Chapitre 2e, le coup de boutoir. Dans la nuit du 20 au 21 février 1916, un zeppelin franchissait les lignes et poussait au sud de Verdun jusqu'aux environs de Bar-le-Duc à Revigny. Là, pris sous les rayons de nos projecteurs, poursuivi par nos autocanons, il était touché, incendié, et ses débris étaient précipités du haut des airs. Cette torche immense, qui flamba sinistrement dans notre ciel durant une minute, était le signal de la ruée allemande sur Verdun. Les gens superstitieux auraient pu y voir aussi l'annonce de l'échec que les armées du Kronprinz devaient éprouver après des mois d'efforts acharnés. Pareil à l'énorme carcasse broyée du zeppelin de Revigny, l'armée allemande devait joncher de ses débris les deux rives de la Meuse, depuis le Mortomme et le Bois des Corps jusqu'au Bois Bourru et au fort de Souville. Les Allemands avaient accumulé devant Verdun la plus puissante artillerie qui eut encore été réunie au cours de cette guerre. La canonnade, pourtant déjà formidable, par laquelle nous avions préludé en 1915 à notre offensive de Champagne, n'est rien auprès du tir de préparation que nos adversaires déclenchent le 24 février à 7h15. Il y a là des batteries de tous les calibres qui agissent les unes sur nos tranchées et nos réseaux de fils de fer barbelés, les autres sur nos abris, les autres à grande distance sur nos lignes de communication. Les Allemands font d'ailleurs grand usage d'obus lacrymogènes et suffocants. Ce bombardement intense produit des effets terribles. Les communications téléphoniques sont coupées. On est obligé de revenir au système des coureurs. Les abris cèdent, ensevelissant les soldats qui ont cherché refuge. Les aviateurs, qui survolent les positions ennemies pour repérer les batteries, en découvrent un tel nombre qu'ils doivent renoncer à les pointer sur leurs cartes. La forêt de Spincourt, au nord-est des jumelles d'Orne, est le centre d'un véritable feu d'artifice. Le bois de Grumilly, dans la même région, flamboie d'un bout à l'autre. Notre artillerie riposte de son mieux, mais elle n'est pas de force, elle gêne l'adversaire sans réussir à le paralyser. Les canonniers allemands, renseignés par les Drachen que l'on voit planer au-dessus de leur ligne, exécutent un pilonnage méthodique de nos défenses. À 4h de l'après-midi, la violence des tirs atteint son paroxysme. Nos premières lignes sont nivelées, nos pertes sont sensibles. Mais, dans les tranchées bouleversées, dans les bois hachés par la mitraille, sur cette terre meurtrie, brûlée, où semblent s'ouvrir à chaque instant des myriades de volcans, nos soldats, par un prodige d'héroïsme, se cramponnent encore. Quand les Allemands s'élancent à l'attaque, ils sont surpris de trouver devant eux des adversaires résolus. Il n'y a plus de tranchées, on s'abrite tant bien que mal dans les trous d'obus. Chaque soldat, reprenant son initiative, s'ingénie à se créer une petite forteresse individuelle. Ainsi, la canonnade allemande cause une certaine dispersion de nos éléments. Mais cette dispersion a ses avantages, notre ligne en s'effaçant échappe à l'action de l'artillerie, on repère une tranchée, non une infinité de trous d'obus. Au Bois des Corps, les chasseurs du lieutenant-colonel Drian font une défense magnifique. Forcés d'abord d'évacuer le bois, ils en reprennent la plus grande partie par une contre-attaque. Les Allemands pénètrent dans le bois d'Aumont, mais y rencontrent une résistance acharnée et n'y peuvent progresser que pied à pied. Notre front plie sans doute, mais on sent dès le début que la ruée sera contenue. Un danger beaucoup plus grand que les assauts de l'infanterie ennemie menace pourtant notre armée de Verdun. L'artillerie allemande, nous l'avons dit, cherche en effet, derrière nos lignes, les centres de ravitaillement, les nœuds de route et les deux voies ferrées de Saint-Menoux et de Bar-le-Duc. De ces deux voies ferrées, l'une, celle de Verdun à Sainte-Menehould par Revigny, est coupée dès le début de la bataille, le 21 février, tandis que la gare de Verdun est désorganisée par un bombardement de pièces de 380. Il reste l'autre chemin de fer, le Meusien, mais il est à voie étroite et d'une capacité de transport relativement faible, malgré les efforts qui ont été faits par le commandement pour l'accroître. Ainsi, tandis que les Allemands disposent pour nourrir leur attaque de 9 voies ferrées à grand rendement, nous ne pouvons leur en opposer qu'une seule. Dans ces conditions, on conçoit que les gens avertis aient envisagé la situation avec anxiété, que certains même l'aient cru désespérée. Pendant les premiers jours de la bataille, l'inquiétude fut grande à Paris dans les milieux politiques. L'héroïsme de nos soldats serait inutile, pensait-on, si l'on ne pouvait faire passer sur la rive droite de la Meuse ni renforts, ni vivres, ni munitions. Déjà, l'on accusait nos généraux d'imprévoyance. Par bonheur, ce reproche était injuste. Depuis des mois, le général Herr, qui qui commandait à Verdun, avait réclamé des renforts et toute une série de mesures préparatoires pour répondre à l'offensive allemande que 1010 lui avait annoncée. Le général Joffre, craignant que l'attaque sur Verdun ne fût une simple feinte, destinée à tirer nos réserves sur ce point pour nous amener à dégarnir d'autres régions sensibles de notre ligne, n'avait envoyé à Herr qu'une partie des renforts réclamés. Mais la question du ravitaillement de Verdun avait été mise dès longtemps à l'étude. On avait renoncé, pour diverses raisons, à tracer de nouveaux chemins de fer, mais on avait organisé un vaste service de transport mécanique par route. On avait élargi à 7 mètres la grande route de Bar, afin d'y permettre la circulation de deux files de convois automobiles marchant en sens contraire. Dès que le général Pétain aura été placé, le 26 février, à la tête de l'armée de Verdun, le ravitaillement automobile acquerra sous son impulsion énergique une étonnante efficacité. Sur cette route de Bar, qu'on a surnommée la voie sacrée, les camions automobiles ne cesseront de rouler jour et nuit, se suivant à quelques mètres d'intervalle. Des équipes de territoriaux disposées le long de la chaussée l'entretiendront en bouchant les trous au fur et à mesure qu'ils se formeront sous les roues des camions avec des cailloux extraits des carrières de la région. Le mouvement perpétuel de cette interminable file de véhicules retentira si fort au milieu de la bataille que le vacarme même de la formidable canonnade en sera couvert. Il faudra s'éloigner à plus de 100 mètres de la route pour entendre gronder l'artillerie. Le 22 février, Joffre, averti de la gravité de la situation, dirige des renforts sur Verdun. Cependant, jusqu'au 24, les forces qui se trouvaient en ligne au début de la bataille supporteront seules le choc de l'assaut. Plus de deux corps allemands n'ont en face d'eux, dans ces premiers combats, que deux divisions, la 72e et la 51e. Le temps, qui le 21 était clair, sec et froid, se couvre le 22, la neige se met à tomber. On se bat dans la neige et dans la boue. Il faut encore reculer. Le village de Haumont, rendu intenable par l'artillerie ennemie, est abandonné par nous. Il n'en reste plus pierre sur pierre, c'est à peine si l'on peut en retrouver la place. Le bois des corps est également perdu, malgré la sublime résistance des chasseurs du colonel Drian. Celui-ci, qui se retire le premier, après avoir donné le signal de la retraite, est tué et son corps tombe aux mains de l'ennemi qui rendra les honneurs à ce brave. Les assauts sont meurtriers. Les Allemands perdent beaucoup de monde. Mais le mot d'ordre est de prendre Verdun coûte que coûte. Les bataillons anéantis sont aussitôt remplacés. La ruée, loin de se ralentir, augmente de violence. Le 23, nous cédons sur toute la ligne, en conservant pourtant la position de Beaumont qui commande les débouchés sud du bois des corps. Il est à remarquer que dans cette première phase de la bataille, l'ennemi prononce une attaque exclusivement par la rive droite de la Meuse. C'est peut-être la plus grande faute de l'état-major du Kronprinz. Si nos adversaires avaient attaqué dès le début, sur les deux rives à la fois, ils auraient sans doute fait tomber alors ces fameuses positions du Mortum et de la côte 304, contre lesquelles ils usèrent par la suite tant de bonnes divisions. L'armée de Verdun se serait trouvée prise comme entre les branches d'une tenaille. Mais le commandant allemand avait compté sur la puissance de son artillerie. Après le déluge de fer et de feu dont il avait inondé le pays meusien, il croyait pouvoir faire avancer son infanterie, pour ainsi dire, sans obstacle. L'énergie de notre résistance le prenait au dépourvu. Le plus difficile restait à accomplir, et quand les Allemands, se croyant vainqueurs, se présentaient en colonnes serrées et profondes, nos fusils, nos mitrailleuses, nos canons de 75 causaient dans leur rang d'effroyables ravages. Le 24, nos premiers renforts, la 37e division, la 31e et la 306e brigade, entrent en ligne. Ils sont encore trop faibles pour établir la situation. Dans l'après-midi, une énorme vague allemande attaque sur un front de 6 km, toujours en formation dense, submerge Beaumont, les bois des fosses et des corrières, le village d'Orne. Au bord de la Meuse, le flot ennemi dépasse à Monieux, nivelé par les obus, la côte 344, et vient battre les pans de Louvemont et de Champneuville. Le général de l'angle de Carry, de l'autorité duquel relevait alors le général Herr, jugeait la situation très compromise. Il envisageait déjà la nécessité d'abandonner entièrement la rive droite de la Meuse. Joffre ne l'entendait pas ainsi. Il téléphona dans la soirée l'ordre de tenir sur la rive droite par tous les moyens. Par contre, il approuva de l'angle de Carry quand celui-ci proposa de ramener sur les hauts de Meuse nos lignes de la Beuvre. Il semblait logique, en effet, de ne pas laisser exposer à une attaque de flanc les troupes que nous avions poussées dans la plaine et d'abandonner volontairement quelques kilomètres pour profiter du redoutable rempart naturel des côtes de Meuse. Cette décision mettait notre droite à l'abri d'une surprise. Le repli s'exécuta dans la nuit du 24 au 25, à l'insu des Allemands, par un temps affreux, en pleine tourmente de neige. Il semble que le 25 février, il y a eu quelques désarrois dans le commandement. Peut-être les ordres du généralissime n'étaient-ils pas parvenus en temps utile à toutes les unités. Quoi qu'il en soit, la retraite fut ordonnée sur la gauche du champ de bataille, le long de la Meuse, en direction de Froidetère et de Belleville. C'était l'heure où les Allemands poussaient à notre droite jusqu'au fort de Douaumont. Si la retraite s'était poursuivie, elle entraînait fatalement l'abandon de toute la rive droite de la Meuse. Par bonheur, tandis que la 37e division se repliait sur Belleville, une division fraîche, la 39e, apparaissait sur le champ de bataille et prenait la place de l'autre entre la côte du Poivre et le fleuve. Notre artillerie, concentrée à Froidetère grâce à l'énergie du colonel Tardy, avait permis cette diversion en opposant à l'avance ennemie un barrage infranchissable. Le 26 février, les dépêches du grand quartier général allemand annoncèrent au monde, qui assistait en frémissant à la lutte, la chute du fort cuirassé de Douaumont, le pilier angulaire nord-est de la principale ligne des fortifications permanentes de Verdun, enlevé la veille par les brandebourgeois. On sait assez que le ton outré de ce communiqué était un bluff effronté. Le fort de Douaumont n'était cuirassé que dans l'imagination des suppôts du Kaiser. Il était désarmé, les enseignements du début de la guerre nous ayant appris qu'un fort, si puissant soit-il, ne peut opposer qu'une résistance très brève à la grosse artillerie moderne, témoin les forts de Liège, qui, pris pour cible par les obusiers allemands, étaient tombés en quelques heures. L'ouvrage de Douaumont, considéré sans exagération pour sa valeur réelle, avait néanmoins une certaine importance. Sa perte découvrait les dernières lignes des défenses de Verdun, Fleury, le fort de Vaux, Souville et Saint-Michel.